Notre Père Céleste, c'est avec humilité que nous venons près de toi, devant ton trône, pour t'exprimer notre reconnaissance ce soir, à l'occasion de ce privilège que tu donnes à nos âmes, de venir au culte. Communier avec nos bien-aimés, les précieux frères et sœurs de la même foi, avec lesquels nous soutenons le même combat, dans l'amour de Dieu du fond des cœurs. Reçois nos prières et nos requêtes ce soir, ce qu'il y a à cœur et ce qui a été exprimé. Agrée cela au nom de Jésus-Christ pour donner des suites favorables, de réponses adéquates, car nos cœurs veulent voir de Dieu, l'expérimenter et témoigner de lui. Bénis la réunion de ce soir et conduis-nous pas à pas, que nos pensées soient justes, que nos paroles soient justes, que nos actions soient justes, que nos œuvres soient justes. Donne-nous ce pouvoir divin pour accomplir le bien, car aucun de nous ne désire mal finir, mais de tout notre cœur nous voulons bien finir, que ce soit l'expérience chrétienne, le témoignage de notre vie, la traversée terrestre de notre vie. Nous voulons bien finir dans les félicités célestes, avec l'agrément du Dieu vivant, que ta parole trouve place dans nos cœurs. Elle a été plantée, elle doit se reproduire, que la vie de Dieu se voie, fait disparaître que toutes les traces de mondanité. Nous avons tellement besoin de ta piété, de ressembler parfaitement à Jésus-Christ, lui le divin modèle, le guide suprême. Réponds à nos prières, mon Dieu, et donne-nous la joie de te servir, la joie du salut. Guéris les malades, donne la force à ceux qui sont faibles, apporte la consolation à ceux qui sont affligés, éclaire ceux qui sont troublés, Seigneur. Auprès de toi, il y a tout. Nous pouvons nous rassurer que même si nous venons chaos, abattus, désespérés, mais quand nous rencontrons ta face et quand nous croisons la semence de ta parole, tout change en nous, tout change autour de nous. Il y a raison de se réjouir et donner raison à la parole qui a dit: soyez toujours joyeux. Ta parole a un sens dans ma vie. Elle prend vie et elle a un impact. Seigneur, chasse pour nous les ennemis qui nous combattent. Neutralise-les complètement. Disperse aux quatre vents de la terre. Que les complots du diable échouent. Que cette stratégie maléfique, elle soit tenue en échec. Nous voulons la réussite de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'offrons ces prières, ayant foi que tu es vivant et que tu réponds réellement. Et c'est pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. dans sa Bible même. En Corinthiens chapitre 12. Nous prenons le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Penzambe atyeboye ba oyo kati na lingomba na liboso ba ntoma na mibale ba sakoli na misatu balakisi na sima basali na bikamuseni na sima babikisi na sima basungi mpe babongisi mpe balobi na maloba ndenge na ndenge. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 à 8. Mukanda ya liboso na batekonika mukapo ya mibale. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donnez l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Toluki lisanzoli epayi na batote, soko epayi na binote, soko epayi yabamosote. Ata tobongi, kosenga kabiloko lokola bantoma na Kristo, kasi, tokomaki bato na malembe, pe na malembe na kati na bino pela moko mama oyo azalinde kobokola kabana na ye penza boye awa ezalaki biso na bolingo monene epai na bino tosilingwaki ko kabela bino bobele sango malamu na nzambe te kasi bomoi na biso penza po ete bosilinde kokomaka balingami na biso. Romains chapitre 15 le verset 20-21. Baloma mokapo ya zomi na mitano mulongo tukumi bale pe tukumi bale na moko. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Nzambi posa na ngai ezali ete nasakola sango malamu na bisika nanu kombo na Kristo eyokani te ete natonga likolo na moboko ya moto mosusu te lokola ekomami ete ba oyo bayebamisami mpo na ye te bakomona ye mpe ba oyo bayoki nanu te bakososola. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur pour partager ensemble l'évangile qui est glorieux et précieux pour nous âmes. C'est la meilleure chose que Dieu nous a donnée. La parole de vie éternelle. Nous aimons cet évangile. C'est ce que nous soutient dans les voyages. Et nous gardera jusqu'au bout. Et même dans l'au-delà, après que nous aurons tout perdu, que tout sera resté, la parole est la richesse éternelle. Gravé dans nos âmes. Alors, nous poursuivons avec notre méditation ici. William Branham, identifié comme apôtre prophète. Nous avons vu la quatrième partie le mercredi. Aujourd'hui, nous aimons entendre quelque chose un peu différent. Un apôtre n'est pas un colon. Un apôtre n'est pas un colonisateur. C'est difficile à traduire. Un apôtre n'est pas un colonisateur. Un apôtre n'est pas un colon. Ntoma azalaka te muzi moko oyo sale la kamakamu na ningo ye moko alingeli. Te oyo ayaka ko konza bozui na mabele ya bato. Colonisateur, c'est ça. Oyo ayeko konza penza. C'est celui qui vient exercer sa domination sur les avoirs, les richesses d'autrui, parce qu'il a une certaine autorité. Ezali mutu oyo ayende kokonza biloko angana na mabele angana pwete ye lokola mimonete ezana mobokonzi moko boyo likolo na bango. Alors un apôtre n'est pas un colon. Ete ntoma azalaka te mutu oyo ya bokonzi mko. Mais c'est un messager du Seigneur. Il est un porteur du message de Dieu. Est-ce que vous aimez cette vérité? Je me relis dans la prédication les sons confus. Les sons confus. Un son confusionnel. Prêché le 18 décembre 1960. Là, je prends le paragraphe 429. Permettez-moi de vous dire quelque chose. J'ai confiance que vous aussi vous me donnez la permission. Que je vous dis quand même quelque chose. Bon, vous avez quitté la maison, ce n'est pas quand même pour venir vous opposer à l'évangile. Et bloquer le programme et dire, bon, nous ne voulons plus rien. Non. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Je suis un missionnaire. Frère William Branham m'a dit, je suis un missionnaire. Ça veut dire, selon son enseignement, qu'il est un apôtre. Amen. Un apôtre de Jésus-Christ. Il n'est pas Jésus-Christ, mais il est un apôtre de Jésus-Christ. Un missionnaire envoyé par lui. Non. Je suis un missionnaire. Parce que cette chose passe. Il a demandé qu'on lui permette de nous dire ça. Parmi les choses qu'il veut nous dire, c'est qu'il était un missionnaire. Bon, peut-être quelqu'un ne veut pas supporter cet engagement. Pourquoi il a dit ça? Il n'y a plus d'apôtres, il n'y avait que les 12 apôtres de Jésus fini. Oui, après les 12 qui étaient à Jérusalem, Paul aussi a été fait apôtre. Et Paul a écrit là-bas dans Galates chapitre 2, nous l'avons lu la semaine passée ici. Paul au père alors bakiango na bakalati ya totanga ki mona apostolique. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi apôtre des circoncis. Oyo a commencé qui pète l'été a zarande ntoma ya bawe bakata mingenge ne asali na ngaye te na sala pe ntoma na bawe bakata mingenge te. Le même Dieu qui a fait de Pierre apôtre, il a fait de Paul apôtre. Bo belenzambe yango moko moko asala ki te pète lo a komo ntoma ne oyo a commencé qui parle pète. C'est écrit dans la Bible et l'écriture ne parle pas en vain. Et comme mi bon mon Bible ya ma commune on ne peut pas anéantir cela. La vérité éternelle. Indiscutable. Alors, le même qui a fait de Paul apôtre des nations a fait aussi de William Branham apôtre des nations. Ete bobele mutongo moko moko akomisa ki Paulo ete azala ntomo pona maboto bobele ye moko moko nde asala ki pete William Branham azala pete ntomo pona maboto. Il l'a envoyé avec un message pour le monde entier. Atinda ki Branham na sango pona mokili mobimba. Non seulement cela, mais il l'a envoyé aussi avec un don de guérison divine pour toutes les nations. Or, toutes les nations constituent le monde entier. Et s'il doit amener le message dans le monde entier, accompagné d'un don de guérison divine pour toutes les nations, voilà un missionnaire que Dieu établit pour répandre son message. Et Paul, quand il a été établi, il a dit ici dans Romains chapitre 15 que nous avons lu, Versets 17 à 19. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Pour ce qui regarde les choses de Dieu, j'ai raison. J'ai un sujet de me glorifier, non pas à moi-même, ni pour moi-même, mais de me glorifier en Jésus-Christ. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Nilirie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il a répandu abondamment l'évangile de Christ. Il n'est pas allé exercer la domination sur les avoirs des gens. Il n'est pas allé se mettre à la charge des fidèles. Il n'est pas allé contrôler les parcelles de terre des croyants pour prélever des droits là-dessus. Mais la chose principale pour laquelle il a sillonné le monde, il est entré dans les coins et les recoins de la terre. Il a visité les villes et les villages. La chose principale, c'était de répandre l'évangile de Christ. Ce qui les préoccupait, c'est-à-dire le message que Dieu lui a confié. Ici dans 1 Corinthiens chapitre 9, il l'illustre encore ici au verset 23. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. J'ai fait tout. Et la cause, le motif, c'est l'évangile de Christ. Afin d'hériter sa part dans l'évangile. Lorsque Dieu, le Seigneur, donnera des récompenses à ceux qui auront travaillé pour sa cause. Et ici dans Romains chapitre 1er, il dit ceci au verset 15 et 16. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Non pas venir vous présenter la vision de ce qui nous délègue pour aller coloniser vos territoires. Son vif désir était d'annoncer l'évangile. Il était prêt à tout souffrir pour l'évangile. Nous avons des serviteurs de ce temple. Pas des polotrons, des paresseux et des polis. Pas des polotrons. devant le trône des paresseux et des touristes. Mais des gens qui sont prêts à aller au combat. Combattre les bons combats de la foi. Et pour l'évangile, rien que pour l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile, dit Paul. Verset 17. Non, c'est le verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Des Juifs premièrement, puis des Grecs. Voyez que sa préoccupation principale. Sa préoccupation principale. C'était l'évangile de Christ et rien d'autre. C'est pourquoi il souffrait. C'est pourquoi il s'est battu. C'est pourquoi il s'est déplacé. C'est que l'évangile. Et c'est très important à savoir. Oh, il est écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 16 à 18. Ou disons même si on peut remonter un peu là. Verset 14 à 18. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Bongo pekolo alakete ba oyo ba kosakola ka sang malamu bazo bomo inabile ibiuti na sang malamu. Pour moi, écoutez ce missionnaire. Christ a fait de lui apôtre des nations. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Donc, si vous cherchez des qualificatifs pour Paul, vous soldez taxes, essayez d'en trouver d'une manière ou d'une autre, mais il ne pouvait pas être un colon. S'il était un colon, il ne pouvait pas écrire une chose pareille. Un colon exhibe ses droits. Même si ses droits peuvent devenir un obstacle pour l'évangile, il s'en foutra. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris. Car j'aimerais mieux mourir que me laisser enlever ce sujet de gloire. Autant mieux que je meurs dans ma pauvreté. Que je meurs comme un abandonné pauvre. Un misérable. Un sans soutien. Mais au moins que j'annonce librement l'évangile. Même affamé. Même avec les biscuits plats. Avec de l'eau de robinet. Que je n'exigerai pas d'être purifié. Car tout est sanctifié par la prière et la parole de Dieu. Je ne voudrais que rien ne devienne un obstacle à la proclamation de l'évangile. Je préfère mourir même pour ça. Mais garder un motif de gloire. Que c'est pour le Seigneur que je suis tombé sur le champ d'honneur. Quand un militaire meurt, ce n'est pas une défaite. Dans la race militaire, on dit qu'il est tombé sur le champ d'honneur. C'est-à-dire qu'il a sacrifié sa propre vie pour les autres. Pour l'honneur de sa nation. Pour l'intégrité du territoire national. Même si lui-même n'a pas d'enfant. Qui pourrait profiter de son pays. Et de ses richesses. Et de son avenir. Mais un militaire est assermenté. Pour ne pas faire cas de sa propre vie. Il veut plaire seulement à celui qui l'a enrôlé. Celui qui l'a enrôlé veut le voir tomber au front. Un militaire ne fera aucun caprice. Il dira à vos ordres. C'est un service commandé. Et le Seigneur veut que nous tombions là-bas. Il n'y a pas d'exigence à multiplier. Laisse ton serviteur aller en paix. Tu as ouvert la porte de gloire. Le travail à faire est fini certainement. Maintenant s'ouvre les horizons d'or. Le chemin de la gloire éternelle. Là où seront couronnés ceux qui ont combattu les bons combats de la foi. Mais les fervents croyants de l'évangile. Dieu les honorera. Même si le monde crache sur eux. Et que dans leur méchanceté, ils iront jusqu'à cracher sur leur mémoire. Ça ne lui dit rien. Vous avez combattu pour la cause de Christ. Vous avez été humilié pour l'évangile précieux. Il vous récompensera. Alors ne vous occupez pas des ondes. Ne suivez pas les raconteurs. Concentrez-vous sur la cause de Christ. Prêt à aller jusqu'au bout. Il dit ceci. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Et ce n'est pas afin de le réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Dieu a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Ils ont le droit de vous réclamer ceci et cela. Ah, ici je ne suis pas à l'aise. Je ne sers pas bien Dieu. Je n'arrive pas bien méditer. Je suis dans de mauvaises conditions. Faites pour moi ceci et cela. Et vous avez le devoir de le faire. Ce sont les droits. Vous dites amen. Ce sont les droits que Dieu a donnés à ceux-là. Qu'ils vivent de l'évangile. Ne cherchez pas à effacer ces droits-là par votre jalousie ou par votre méchanceté. On dit, oh, pasteur, bon, il y a musalate. Afin de mais qui t'a dit que musalate musalate? Maintenant tu veux que l'on salami. Ou alors que salami a pas chômage. Il y a une femme de gagawana. Pour voir un bacan de rouper ma bosa. Et s'il consiste. Il ne comprend rien de l'évangile. Il va tenir des langages barbares comme ça. Agissant mal, mais pensant bien faire. Dieu a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Dans Galates au chapitre 6, le verset 6 et 7, la parole nous a encore montré là-bas que c'est lui à qui l'on enseigne la parole. Amen. Fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Amen. Oyo balakisa kaliloba. Esengeleta akabola. Ngambo na biloko na yena. Oyo zali kolakisa ye biloba. Comme il est écrit. Lokole komami. Mais si nous avons sémé en vous les biens spirituels. Serait-ce étrange que nous puissions récolter les biens temporels? Et komami ete soki biso toloni nde kati na bino. Bozuito bumengo. To biloko ya molimo. Et ko kamwisa soki biso nde tokobuka ka biloko oyo ya mokili oyo biloko ya... Ce sont les droits. Mais attention, il ne faut pas que ces droits-là deviennent un obstacle au progrès de l'évangile. Que l'on forme les églises pour ne faire que ça. Comme la chose principale importante, c'est d'engraisser le prédicateur. De l'engraisser. de les nourrir et les vêtir. Entre temps, nos âmes ne sont pas sauvées. Nouvelle naissance, il n'y en a pas. Faire attention. L'évangile doit progresser. Ça veut dire que les âmes doivent être sauvées. Les âmes doivent naître de nouveau. La vie chrétienne doit apparaître dans les gens. Ils doivent devenir de plus en plus des disciples de Christ. De plus en plus semblables à Christ. Sinon, ça devient une religion alimentaire. Et à Kinshasa, on l'appelle ça quoi? Religion qui teigne, religion Moulia. Religion alimentaire et vestimentaire. Mais ces païens, ces circoncis parlent des religions qui teignent. Vous venez dans les églises de Dieu et vous devez encore trouver ça. Ça n'a pas de sens. Il dit ceci. Verset 11. 1 Corinthiens 9:11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Question. Mboto na molimo kati na bino. Ezali na likambo monene soki tokobuka kandambo na biloko na nzoto. Mutuna. Est-ce pour ça on doit dire que les serviteurs de Dieu sont des affairistes? Nde yango bakolobeta basana nzambe bakominde batya mumbongo. Des fois c'est le comportement des prédicateurs eux-mêmes qui amène les gens à conclure comme cela. Parce qu'ils ont fait de l'argent et des collectes l'activité principale de l'église. Et il y a même des offrandes de fermatoires. Offrandes de fermatoires. Donc vous avez commencé des réunions de réveil et tout ça. Pour conclure, il y a une offrande spéciale qu'on donne pour clôturer les réunions que vous avez entamées là. Offrande fermatoire. Offrande de fermeture, mais il dit offrande de fermatoire. Fermeture, mais il dit fermatoire. Miséricorde. Passe. Frère, on ne peut pas aller à l'église rien que pour l'argent. Et que l'occupation principale des gens devient l'argent. Ça, c'est faux. La religion des pharisiens était ça. Ce n'était devenu qu'une religion monétaire. Christ est venu, il a tout condamné comme ça. Nous venons à Christ pour le salut de nos âmes. L'évangile que nous entendons, c'est l'évangile de votre salut. La Bible est appelée ainsi. Ephésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, il met une virgule. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Voilà la chose principale. Et si les apôtres avaient un credo du Fébrana, c'était cette question fondamentale. Quand il a convoqué les croyants, il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Non pas combien tu as donné à Dieu. Oh, combien tu as donné à l'église. Non, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est la chose principale. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il est nécessaire, il est urgent, c'est indispensable, j'ai dit bien obligatoire, que toute personne ait le Saint-Esprit immédiatement. Amen. Car tant que vous ne l'avez pas, votre salut est incertain. C'est flottant. Alors ne permettez à personne de vous rassurer que vous avez le Saint-Esprit. Amen. De par ses propres courage, sa propre audace. Allez à Dieu qui donne le Saint-Esprit, que lui seul vous le confirme. Et ce que tu appelles Dieu, ça ne doit pas être une illusion. Dieu ne doit pas être son propre cœur, hein? Idolâtre, change de comportement. Dieu est plus grand que ton cœur, dit la Bible. Dieu est plus grand que ton cœur, te dit. Et dans les proverbes, il est écrit, celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. C'est de la folie. Dieu existe, Dieu parle. Dieu peut rendre témoignage. Dieu est une expérience authentique derrière. Il y aura un moment dans la Bible. Vous n'êtes pas le premier à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Toi, tu l'as reçu comme qui dans la Bible. Lisez tous les cas de ceux qui l'ont reçu. Et qu'est-ce qui s'était passé quand ils l'ont reçu? Et toi maintenant, ce que toi tu appelles le baptême du Saint-Esprit là, tu peux raconter aux gens. Tu l'as reçu comme qui dans les Écritures? C'est comparable à l'expérience de qui? C'est de la Bible. Dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste l'a reçu depuis le ventre de sa mère. Saul de Tarse l'a reçu après l'imposition des mains de Paul. Les Éphésiens l'ont reçu après l'imposition des mains de Paul. Dans la maison de Corneille, pendant que Pierre prononçait ses paroles, le Saint-Esprit descendit sur tout ce qu'il écoutait. Quand on les entendait parler en langue et glorifier Dieu. À la Pentecôte, il parlait des merveilles de Dieu lorsque cela s'est produit. Mais toi, tu l'as ainsi comment? Et quand on dit qu'il soit qui, on dit qu'il y a une sensation. Les citations des prophètes sont bibliques. Le fondement véritable, c'est la Sainte Bible. Le Saint-Esprit que vous recevez aujourd'hui, c'est le même que Pierre et son groupe et les autres ont reçu. Il ne faut pas jouer avec le salut de votre âme comme ça. Mais vous donnez le Saint-Esprit vous-même selon votre propre cœur. Vous avez une connaissance intellectuelle de quelques citations et quelques versets que vous essayez d'interpréter pour vous arranger, hein, pour vous accommoder vous-même et tranquilliser votre conscience. Mon cher ami, quand Jésus va venir, tu vas rater d'abord l'enlèvement. Tu verras que tu t'es rendu toi-même un mauvais service. Amen. Et tu cherchais la gloire auprès des gens. Amen. Une belle gloire. Amen. Tu voulais que l'église te considère. Il n'y a rien. Amen. À quoi ça va servir la fin? Il n'y a que Dieu qui peut attester. Amen. Quand le Saint-Esprit est ici. Et Dieu, ce n'est pas votre intelligence. Dieu, ce n'est pas votre cerveau. Dieu, ce n'est pas votre diplôme. Dieu, ce n'est pas votre cœur. Dieu, ce n'est pas votre passé. Dieu, il est le créateur. L'autorité suprême. Dont les paroles se réalisent. Ouais, ça se confirme. Alléluia. Si tu l'as, La vie de l'évangile se manifestera. La vie parlera d'elle-même. Vous serez la lumière du monde. Vous serez le sel de la terre. Mais vous ne serez pas confondu au monde. Vous êtes là emballé en train de crier Ronaldo, Cristiano. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Apôtre Pézan, tu es encore aussi bas en train de regarder le football et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais c'est pas normal. Toutes ces confusions viennent parce que les gens sont mal enseignés ou ils sont mal intentionnés. Vous avez de mauvaises intentions. Dieu veut vous sauver, mais vous venez chercher une gloire personnelle. Comme a dit Frère Branham, si vous ne vous êtes jamais senti perdu, vous ne pourrez jamais apprécier alors la valeur du salut. Si pour vous, vous avez toujours été sauvé, d'après vous, tout va toujours bien. L'essentiel, c'est de croire le message de Branham, alors qu'en réalité, vous croyez au massage. Ce sont des massages pour vous flatter. Massage de Branham. Massage. Vous vous laissez flatter comme ça. Pensez être sauvé. Le salut de Dieu est une expérience. Un frère Branham dit que le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien définie. Amen. Que vous devez recevoir, par laquelle vous passez. Une expérience bien définie. Expérience. Mouta, papa, maman, hein? Elingé, expérience. Non pas une explication. Une théorie, une conclusion. C'est une expérience bien déterminée. Il a ses effets. Il a son identité. Il a la manière dont Dieu la donne. Et vous devez la voir. Donc la chose capitale, c'est la vie éternelle pour nos âmes. Nous ne venons pas chercher la popularité à l'église. D'être applaudi. D'être compté comme des saints. Selon les hommes. Nous venons chercher plutôt l'approbation de Dieu. Amen. Et Dieu et sa parole sont inséparables. Toute expérience de la parole sera conforme à la vérité de la parole. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de la parole. Pas des déformations de la parole. Pas des explications intellectuelles de la parole. Mais de la vie de la parole. La vie qu'il y a dedans. La vie qui crée. La vie qui guérit. La vie qui transforme le corps. Vous l'avez dans la parole de Dieu. Nous voulons. Mais que les droits des prédicateurs ne deviennent pas un obstacle. Et Jacques, c'est notre génération. Même celle de Kinois et de Kinois. Prédicateurs et prédicatrices. Ils ont fait de leurs droits une pierre d'achèvement pour l'église. L'un de ces frères appelait même professeur de la prospérité. Il enseignait aux gens comment s'aimer dans les royaumes pour être prospères. Et des années sont passées. En réalité, c'est lui qui devenait très prospère. Lui-même. Et les autres n'avaient que des explications pour comprendre les pourquoi de certains échecs. Voyant que tout traînait, savez-vous ce que le professeur de la prospérité est devenu? Il a oublié la Bible pour commencer à prôner son vol au Congo. Son vol au Congo. Et il s'est attiré des anneaux avec les politiciens. Pour se retrouver pour vivre en exil. Profession de la prospérité. Voyez les choses. Tout ça au nom de l'Évangile. Il a compris. Il a passé des années à dire aux gens prospérité, tout ceci. Mais il se rend compte que non, c'est pas, ça ne répond pas comme il espérait. Alors il faut carrément sauver le Congo parce que c'est le système du pays qui maintient les gens dans la pauvreté. Alors il a commencé à faire la politique. Voyez frère, mais avec Dieu, ce n'est pas la politique qui apporte le changement. Mais c'est la parole qui a la vie qui transforme les gens. Amen. Christ, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, dit la Bible, pour vous enrichir. Amen. C'est pas par la politique, parce qu'il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Son royaume à lui n'est pas de ce monde ici. Christ, c'est un peu la catégorie politique qui tient de qui est la bateau. Il s'est mais comment des pasteurs commencent à prêcher le col Fatima en Bogan d'Azar à pouvoir et Bogos Amisala. Tout bête les sont à Bogo. Des bêtises comme ça. Bon ça les églises. Bon sauf un bon Kati et Ecclesia. Après on va demander, donner ceci. Frère. Voyez que vous, votre génération. Et le col Abinoy. Et la fête de leur droit individuel, de leur égoïsme, ils pierdent un changement pour empêcher aux gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ma coquille en Zambé, à Pessi, Bango, Bango, Basaleli, à moi, dans le langage, ma bête est commandée, il bakou, Katina, Ekrezi, et Pessi, ma tote, et ma coquille, la Katina. Ce sont des colons! Basaleli, à ma tote, Basaleli, Kosane, l'impenzam, ma kamonko. C'est lui qui comprend, dis Amen. Amen. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, mais ce sont des colons. Des colonisateurs. Exactement comme des missionnaires qui ont entendu le roi Léopold II les formater, les entraîner et les instruire avant de descendre au Congo belge. Qu'est-ce qu'il devait faire et quel genre d'évangile il devait aller prêcher à ces natifs-là du Congo. Ils allaient le col là-bas, oyo, mokonzi, oyo, mokonzi, nanko, oyo, atambaki, mokonzi, oyo, konza, kape, kongo, libosote, atinda, bate, na sang, malamo, asangisaki, bango, aeb, se bango, lolenganin, yako, nyata, batambo, kango, lolenganin, na sang, malamo, yo, bokiko, te, bango, malobanin, na lolenganin, bakiko, salela. Hein? Et ils sont venus exécuter la mission qui leur a été confiée par les rois, les voldés. Bah, yako, salela, ka, makambo, oyo, bapesaki, bango, na mokonzi, mais la question. Étaient-ils les envoyés de Christ? Mais aujourd'hui, on peut jeter un coup d'œil dans l'histoire. Ceux-là qui sont venus explorer le Congo. En tant que des missionnaires, entre les soi-disant des apôtres. Qui les a envoyés? Et qui les a rodés? Ils sont comparables au faux prophète Balaam. Ce qui a été, c'est ce qu'il y a eu. Balaam, au lieu de suivre les ordres de Dieu, il a été commandité par le roi de Moab. Balaam, il a été commandité par le roi de Moab. Le roi de Moab l'a appelé. Et il a commencé à lui dire, va maudire Israël. Et lui, pour exécuter une mission politique, il est allé en Israël pour rapporter l'argent. Dieu est intervenu pour lui, n'y va pas. Mais seulement c'était le problème de ses droits. Il est allé là-bas en Israël comme un colon. Et il a tout fait pour piéger le peuple de Dieu. Les amener à tomber dans le péché. Les iniquités. Pour que la colère de Dieu s'enflamme contre Israël. Un sorcier. Ça, ce ne sont pas des envoyés du Seigneur. Bien-aimés, ce sont des agents de destruction. Ils viennent pour conduire les âmes à la perdition. Et l'argent, c'est leur leitmotiv. Le motif profond, c'est l'argent. Les intérêts égoïstes. Mais dites-moi. J'allais m'étonner. Comment nous disons la vérité, vous restez froid. Vous ne devez pas tolérer des choses pareilles dans la vie. Dans l'église, c'est le salut des âmes. Nous devons marteler et marteler. Nous ne venons pas pour jouer, ni parce que nous manquons à faire. Mais nous venons pour le salut de nos âmes. Travaillez pour cela. Travaillez dans ce sens-là. Travaillez plutôt à cause de cela. Alors je retourne en 1 Corinthiens 9, où nous étions. Il dit ici, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Dites-vous amen. Mais il y en a d'autres qui en font leur cheval de bataille. Mais voilà un véritable missionnaire. Il ne va pas pour l'argent. Comme dit Frère Branham dans la prédication, Hébreux chapitre 7. Un prédicateur qui est envoyé à aller prêcher sous l'onction du Dieu du ciel. N'ira jamais prêcher pour de l'argent. Mais il ira pour un seul principe. C'est celui de gagner son frère perdu. Le principe à la base, c'est le salut d'une âme. Et il a paraphrasé en disant, comme je l'ai toujours dit, je le répète, dans ce tabernacle-ci, les véritables guerres sont menées et engagées amen. Pour des principes et non pour de l'argent. Et ici le principe, c'est que Christ est mort pour sauver les âmes. Il est venu comme sauveur du monde. Et si le monde n'est pas sauvé, nous avons honte à nous. Si les âmes ne sont pas sauvées, honte à nous. Nous serons en train de faire la honte de Christ qui nous envoie. Mais bien aimé, faisons quelque chose pour une âme. Aidons une âme à retrouver les droits chemins. Aidons une âme à trouver le salut qui est en Jésus-Christ. Aidons une âme à connaître la vraie vérité du Seigneur. Pendant la paix de Dieu, parlez de lui, parlez de lui. Viens témoigner en ton lieu. Parlez de lui, emmène amen, mais les âmes à la croix, oh les sangs se répandent, qu'elles se contentent les joies pour Jésus-Christ. Amen, amen. Sepela mwana zambe, te ya yeso, tato la me payoso, te ya yeso, me mame, papa na yeso, konana. Amen. Nous Amen. L'avons chanté, Amen. Nous les réchantons. Amen. Amen. Sois plein de zèle pour ça. Et il dit zèle et parle de Jésus-Christ aux gens. N'aie pas honte de lui. N'aie pas honte de l'évangile du salut. Jusqu'à ce que les âmes soient sauvées. Et c'est là que tu auras du répit. Que les âmes soient sauvées. Il a dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Gratuitement. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Mais il y en a d'autres qui ne font que ça. Qui en font leur proie, leur cheval de bataille. C'est ce que nous pouvons lire sur verset 12. Dans ce sens-là, si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Ba miuta wana, ba susu wana, ba yakane pona kosale la ne droit wana, likolo na bino. Est-ce que Bisson était au Seigneur qu'on jouait dans la droite ouana? Mais, basso, ce n'est pas ça la camo. Mais, nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Amen. Kasi, tout ça l'est libre qu'on s'y angote. Tout y kela ka ma kambonyo son piko ete. Tout tiè libakou nanzera na sang malamo na Christote. Trouvé sans habit. Mais jamais c'est le bien dire, église, faites une cotisation pour moi, s'il vous plaît, ça ne va pas, non? On l'a envoyé un frère pour qu'il puisse lui amener son manteau qu'il avait oublié à Troas. Son manteau qu'il avait oublié à Troas. Il a fallu déléguer un frère qu'il aille chercher ce manteau-là. Paolo, attendez qu'il ne comoko. Alors tu pouvais juste passer à communiquer à l'église là-bas. Dire bon, je n'ai pas quelque chose pour me protéger contre le froid. Mais s'il y a un enfant de Dieu qui veut être béni, qu'il puisse venir ou donner. Il n'a pas fait ça. Il a délégué plutôt un autre frère. Et il a attendu tout ce temps dormant sous le froid. Dormant sous le froid et ne se plaignant de rien. Et là, les malades. Et puis là même il ajoute, des masses m'ont abandonné par amour pour le siècle présent. Il n'a pas su supporter ce genre de souffrance là. Mais comment un apôtre avec toute autorité, il peut se trouver dans des conditions comme ça? Hein? Dieu est béni, les âmes viennent, ils croient. Vous croyez à l'évangile. Après, sinon c'est ma séjour, donnez, j'ai dit, donnez. Alors, vous pouvez mettre votre père à l'ingénieur. Ah, ok. Je dois aller faire mes autres. Je dois aller faire mes autres. Je dois aller faire mes autres. Je dois trop de logique et de principe. Mais, et ça doit la bicho, ça m'a fait voir les amis, moi comment on m'a bêté. Yo passe le ondini, c'est là. Pour la boy. Et puis quand on est là, bayela ngai nde elamba wana. Bayeli ye pengo ya onde ala. Mais tout ce temps, il souffrait le froid. Il ne pouvait pas se plaindre, dire au frère, vous savez, dira ngai c'est pas souki. Donc ne langa boye, dira c'est toboki. Non. Rien dit. Aucune demande dans ce sens. Il a souffert avec les chrétiens. Pourtant, un apôtre. Voilà l'esprit de Christ. Ne pas faire obstacle à l'évangile. Il dit Amen. Mais d'autres, ils sont là qui pour ça. Ils vont venir que pour ça. Honte à ces gens-là. Nous, nous cherchons le salut des âmes. Mais il y en a d'autres qui cherchent autre chose. La gloire, la richesse, le savoir. C'est comme un prédicateur qui est allé quelque part dans un pays étranger. Et il rencontre un ami de jeunesse. Qui est devenu pasteur là-bas. Mais ça c'est. On a des gens ici qui nous croient, hein. Je ne sais pas rentrer au pays parce que ce que j'avais programmé vient d'échouer. Oh, petit problème, mon ami. Petit problème. Il y a 4 ans dans l'église. Nous avons présenté au connaître l'apôtre. Hein? L'église, hein? Je vais te présenter comme apôtre, toi-même tu vas voir. Ils sont arrivés dimanche. Et puis les gens sont en train d'acclamer. Et puis après, il dit, Toyami, mon père, mon néné, mon seul ensemble, mon néné, à ça, à porter un colo, à outi mboka tel, ça là, à outi moussika, pour être accablé, mais sur les pamboli. Mais, à ça, ça n'est pas le côté, mais le colo, mon seul ensemble, comme le bisibino, et, bon, mes cas, qu'on peut être pas soutien. N'est-ce pas, il y a un ensemble, c'est ébisso. Alors, bâtir panier. On est venu mettre l'argent. On a mis l'argent, on a mis. Et lui, il était là-bas, superposant ses jambes comme ça sur le fauteuil. Les pasteurs, les révérends pasteurs, avec les jambes superposées, dans l'église. Voyez? Et puis à la fin, bon, à côté, on est venu lui mettre l'enveloppe. Bon, il appelle son ami. Bon, on est. Et ça coupe la vie sortie. Bon. Ouais, mais je ne peux pas tout te donner, non? Après tout, est-ce que j'ai eu un macamboy? Bon. Je vais te donner ce qu'il faut. Dis-moi, les besoins c'est combien? Puis, tu vois, on a eu beaucoup trop. Je ne peux pas tout te donner. Donc, toi, tu prends autant, tu ajoutes un peu ma table ici. Tu prends comme ça. Alors le reste ici, ça c'est pour moi. C'est le droit de mon onction. Droit de mon onction. Parce que c'est mon onction qui a produit ça. Dites-moi sincèrement, aimeriez-vous prier dans une telle église? Où les gens sont des aventuriers? De haut niveau. Ce genre de gens comme ça. Bah, penses, le et puis vous dites, ma bine est où t'en là, bisono solo là, attends, ma colotte au kende. Et là, on est en train de se rouler par terre. Ouais, arrêtez ces bêtises-là. L'évangile du salut existe. Amen. Mais il est impopulaire. Sachez-le qu'il est impopulaire. Sachez-le reconnaissant. Alors mes chers amis, il nous faut accepter ces souffrances. Amen. Pour la parole. Amen. Pour l'évangile de Dieu. Êtes-vous là? Dans 2 Timothée chapitre 4. Paul dit ceci. Au verset 11. Verset 11 à 13. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpis et les livres sur tous les parchemins. Voilà. La vie d'un apôtre. Bon moi, bobole luka azali nangai elongo. O luka mala kompe yakana ye elongo nzambi azali kosunga ngai kati na mosala. Na silinda kotinda tukiko na Efese. Akoya ekoya kaye ayaka mukoto mutikingai na towala epai na kalapu. Yaka mpe na mikandande na koleka yaka na poso na kokoma. Vous avez entendu l'histoire du manteau? Il a délégué le frère Tychique. Pour aller chercher un seul manteau. Mais pourtant il avait des fidèles à qui il pouvait poser des problèmes. Mais il n'a pas fait. Ce n'était pas un colon. C'est quelqu'un qui travaillait pour le salut des âmes. Nous n'avons pas le devoir de venir installer notre mission dans la chair. Ce n'est pas le rôle de l'église, ni du ministère. Ils allaient dire, Moussala y'a équelé, j'ai tout le temps. 2 Timothée chapitre 2. Verset 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Qui dit amène à la vérité. Nous, nous commençons à dire trop de dans la Bible, c'est amen. Oh, Botato limingi, opesa yango na maboko na bato sembo, ba oyo babongi, kola kisa ba mususu. 3 et 4, verset 3 et 4. Aussi bandambo na yo na mpasi, mpela moko soda malamu na Kristo Yesu, soda oyazali kobuna, akobuna langa na kati na makambo na bomo ina na mokolo te, ete, asepelisa yo oyo abiangie na mosala. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Allons dans Actes chapitre 20. Le verset 20 à 24. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous, ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Na banga kite, kosakwela bino makambo makoki kosunga bino. Mpeko la kisabino na kati, na koyanga na mpe, na ndako, na ndako. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Na tatola kina bayuda, mpe na bayele, likambo na ko bongo la mitame paye na nzambe mpe, na kondime lankolo na biso Yesu-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Sasa ipingai mukangami na mwalimu na kei na ngai kuna na Yerusalemu na yebi pete soki makambo nini makoela ngai. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Ubelete mwalimu musantu azali de koyebi saka ngai na mboka yete yezali malozi mpe kolambela yezali kozela ngai. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que vous trouvez la cohérence dans les écrits de Paul? Voyez-vous la constance dans sa manière de vivre? C'était ça la vie d'un apôtre. Ce n'était pas un colon qui cherchait des avantages. Il ont les richesses, les terres des croyants. Les savoirs des enfants de Dieu. Ce n'était pas un homme jaloux. Loin de là. Sa préoccupation, c'était l'évangile. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'évangile du salut pour les âmes. Et il ne voulait y faire aucun obstacle. Voulons-nous ce genre des hommes? Ah oui. Il faut vraiment ça. Il nous faut vraiment ça. De tout cœur, nous voulons vraiment ça. Et la parole a dit cela. Nous ne voulons pas donner une occasion de chute. Déconnecté chapitre 6, verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Voilà la ligne de conduite, la discipline de vie chrétienne. L'apôtre, c'est le premier des ministères. C'est full autorité. Pour son service. Avec la capacité de détruire les pions du diable. Faire des dégâts en life. Amen. Kolo a pesi banto bokonzi ya ko bapisa. Bato bazali pe na misala ya mis patu boy mbala moko ekomeli. Vous m'équipez en jugement. C'est l'autorité apostolique. Êtes-vous là? Amen. Vous m'équipez aussi au Golapa. Mais vous allez trop tard au Tigali Nelembo. Voilà. Mais il ne s'est pas imposé aux gens. Il s'est montré serviteur acceptant les souffrances. C'est là ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 ici. Dans la même ligne de conduite. Il dit, verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtre de Christ. Il dit ça aux Thessaloniciens, quand nous sommes venus vous annoncer l'évangile chez vous à Thessalonique. Nous aurions dû nous produire avec autorité. Pour voir que l'apôtre est un apôtre. Mais c'est qui c'est? Mais non, humblement. Acceptant les insultes même en public. Acceptant les humiliations. Les tribulations. Les souffrances de tout genre. Même la misère. Ne faisant même pas cas. Mais l'autorité était là. L'équipement spirituel était là. Mais dans l'humilité. Pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Mais si un émissaire du diable osait déborder la ligne. Comme Elimas le magicien. Il en a eu pour son compte. Là, ce sont des gens qui viennent pour détourner les âmes de la foi. Et les amener à la prédiction. Alors que l'apôtre vient pour amener les âmes à la foi. C'est-à-dire que quand tu viens dans l'église, ceux qui indoginayo, ils apprennent comme ils l'ont capé au misala yomako bolam. Des fois, quand tu es dans une église, t'as un moulaï. Jésus-Christ, le souverain apôtre, il a supporté Judas avec sa sorcellerie, tout son ministère du nom. Les Judas n'a voulu détourner aucun âme, n'est-ce pas? Ils allaient bongo. Alors qu'il est indogi, mais Asali na ye mabe na amu mongo te gade tourne. Musali na ga kude tourne mbongo. Mbongo nde lo koso ne ka mbongo. Ye ye problem kufi na ka mbongo. Me ba amu, eh, ake nubu simbati. Oki na mi, eh, eh. Mkolo asikiye wana. Kidi amen. Amen. Mkolo asikiye wana. Atika kiye peza. Mkolo dira. Na musali nyoso na mkolo na biso. Mkolo na biso. Atira hiri nde mkolo ye mei. Suka nde ya iyo wana. Imagine. Kadisa. Mais quand il imasi vya, le proconsul, Sergius veut croire, mais lui commence à faire des gesticulations pour l'empêcher de croire. Vous ne voyez pas recevoir le salut. Oh, dis, fils du malin, toi, tu es démasqué. Tu ne vas pas voir la lumière. Amen. Rappel des cécités sur le champ. Amen. Dans l'immédiat. Mon conzi à Mboko. Mon conzi à Mboko, on a eu qu'à qui l'étienne à Paolo. Il y a un de mes kasi ndoki oya ilimasa bandiko sala bisala sala pwete ape kisamuela yango ako kwenye melelo bananzambete aa mudumu musato simba kipaole lakishepa atalisha polelo yo mwano ya zabulu olingo sala boye mbala moko kumwana lisusute miso kufie mbala moko abandiko tak ne pouvons-nous pas réclamer les identités de ceux qui veulent vous nuire pour empêcher votre progrès dans le salut vous l'église. Nous ne pouvons pas recourir au même Dieu. Nous ne pouvons pas recourir au même Dieu. Nous ne pouvons pas recourir au même Dieu. Nous ne pouvons pas recourir au même Dieu. Amen. Bango non so pema la bango nzambe ya bisonda pesa. Amen, amen. Alors, tu ne peux pas exagérer avec ça. Collection de l'hôtel, ce que nous voulons nzambe pesa. Tu veux servir Dieu dans la paix et dans la joie. Et s'il y a des gens qui veulent interférer, et que cela commence à empêcher ton progrès salutaire, allez, amenez les identités. Nous avons un Dieu vivant dans cette vie. S'il faut changer le physique, on va changer le physique. Nous devons être certains de notre Dieu. Amen. Certaines choses doivent être dites ouvertement. Amen. On supporte aujourd'hui, on supporte demain. Mm-hmm. Mais il y aura un jour. Amen. Au collapse. Amen. Hmm? Oui. Avec cette femme-là, qui faisait la divination, Moi, si on a un bandaginde, comme bon, là, qui portait. Parle, elle m'a pris une semaine. Elle racontait des histoires pour attraper l'argent. Et oh, voilà le vrai homme de Dieu. Il vous raconte la voix du salut. Oh, c'était une magicienne. Azala qui moussolo kapenza, azala qui moussolo kapenza, azala qui moussolo kapenza, azala qui moussolo kapenza. Un jour, au prix de combat, j'ai dit. Et t'es pas. Voilà, Naïma. C'est quoi ça? Est-ce qu'on a besoin de ce théâtre là? Quand Dieu a donné une commission, on n'a pas besoin de témoigner des sorciers pour permettre aux gens de croire. Soit qu'ils ont un peu de moussala. Nous avons besoin d'être un document qu'on fait sur l'état pour être un sali sabbat. Est-ce qu'on a besoin de sorciers? Nous avons besoin d'un document qui fait ça, le bâtiment de et quand eux vont parler, maintenant nous pouvons faire confiance. Croyons à la commission. La parole de Dieu vaut mieux que la parole des hommes. Et la parole des sorciers est inférieure à la parole des hommes. Il n'y a pas de sorciers. Il y a beaucoup de femmes. Donc il y a ça la série sur les gars. Mais on n'a pas besoin de son témoignage. Nous avons besoin d'un livre. Pour qu'on soit reconnu comme appartenant à Dieu. Alors Paul s'est arrêté. Toi, esprit de Python, Nyoka, il est sorti. Et tout par moi est bimagi. Et elle aussi a commencé à suivre maintenant l'évangile. Yeah, bah, ça, c'est pour la maintenant, ses acolytes et ses fanatiques. Bah, ouais, bah, là, là, là, bah, là, là, donc, ben, là, on a besoin de la cette femme nous procure l'avantage. On gagne beaucoup d'argent. Mais là, bah, on va y aller. Bah, bah, l'on y et puis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça n'a pas plus comme ça. Et ça, c'est le souci. Ils ont commencé une persécution contre Paul. Et même quand vous serez combattu, Dieu vous soutiendra. C'est des fois le moment, l'âge d'or. Quand les épreuves deviennent plus profondes et que les ténèbres deviennent toutes grandes autour de vous, c'est le moment où l'âge de lumière va mourir. Tango mi mekano ko koma na muzindo koleka netete ozingela mi bobele na na mulili ne wana mwanje luna pole c'est dans cette agitation qu'on a amené Paul et Sila à la prison centrale ezalinde na iki ki angole ba meme ki Paul na Sila na boloko on les a enfermés là où ils ne pouvaient pas sortir. Mais au milieu de la nuit, l'ange du Seigneur est entré dans la prison. La lumière a brillé. Il a dit, sortez d'ici. Amen. Quand Dieu ouvre, personne ne fermera. Amen. C'est que l'homme a fermé, c'est que l'homme a fermé, Dieu peut ouvrir. Mais quand Dieu ouvre, tu ne peux plus fermer. Là, j'ai entré là-bas. Moi, je le fais. En demandant l'autorisation du geôlier. Mais il dit aux serviteurs de Dieu, sortez d'ici. Et aussi, ils ont enfilé les souliers. Suivez-moi. Allez, voilà Nanaï. Ils arrivent comme ça, barrière, ils sortent. Ils traversent. Zambé n'a vu Zango. Zambé n'a vu Solo. Amen. Bah comme il y a barrière, comme il tourne à terre, et qu'on est gaboni. Oh, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Hollanda. Bah comme il y a un ami, bah cache ici. Mais tu mires les athées. Bah comme il y a grille, qu'on a les bosseaux. Grille, moi j'ai permis, c'est pour moi, c'est un assoukha. Alors que, qu'on a pas fongola gabongote, bah prisonnier, bah kokima. Bah fongola gade, moko moko, bah finalement, allez, yo bima, allez, vite. Mais moi j'ai rien, fongola gnosso. Fona banana moko zibabima. Le prince du Dieu vivant. Ils sont sortis sous les honneurs angéliques. Les géoliers qui étaient là, ils sont sortis du sommet. Ah, il prend le pays, il veut se tuer. Mais là il a confié. Va prisonner parce qu'il a ouvert comme ça. Moutouté, Zambende. Il était obligé de se convertir. Hein? Il était obligé de croire à ce Dieu-là. Jéhovah va des miracles sur le Dieu que tu invoques. Le Dieu que je te prêche est Jéhovah des miracles. La puissance des miracles est encore réelle maintenant. Il fait des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est vrai. Quand les ténèbres deviennent toutes grandes, et la face est très profonde, alors sa délivrance sera très grande. Et sa joie sera explosive. Et il oubliera ses peines. consolateur véritable. Jésus-Christ est son nom. Il est imbattable, invincible. Au général à 5 étoiles. J-E-S-I-S. Devant ce nom, même Goliath est tombé là. Et l'adversité. Ou la durée de combat. La victoire est de ton côté. Et l'homme. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Je sais qu'il fera taire les critiques. Il fera taire les détracteurs. Mon Rédempteur est vivant. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux. Immuable, incomparable. Peux-tu croire Dieu? Sa grâce et sa puissance. Ton amour envers sa personne. Je voulais te dire que Dieu t'aime. De l'amour dont tu aimes sa vérité. Dieu aussi t'aime. Tu viens de souffrir pour sa vérité. Mais il voudra te réjouir pour son honneur. Il donnera gloire à son nom. Amen. Suka ko pesa bo bele kembo na kombo na ye. Alléluia. La même est il omniprésent. Azali ne ko ko ba azali. Lord, tu dis amen. Amen. Amen. Il est le même et l'omniprésent. Azali le ngamba ko pe. Azali. Et elle soutient la cause de son évangile. Pe asunga ko bele o ba ko. Et que nous prêchons c'est son évangile. Et ça ça va le côté c'est ne sang mala mala. Ne vous sentez jamais délaissé. Moi ne l'être sous de la marche. Ne vous sentez jamais abandonné. Ne vous sentez jamais oublié. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais lire encore un mot ici. Continuez la citation, les sons confus. Et c'est pas combat. Un son confit. J'étais au paragraphe 89. Et je crois qu'un missionnaire est quelqu'un qui va et revient. C'est pas un missionnaire. Si vous y allez pour rester, on appelle ça un missionnaire. Mais ça, c'est un colon. On a commis ayant changé simplement de résidence. Et le missionnaire va et revient. Il va et puis il revient. Il ne change pas de résidence. Hein? Mais le colon va pour changer de résidence. Il va s'installer là-bas et commencer à faire des choses. Voyez, ce n'est pas là un missionnaire. Paul était un missionnaire. Il ne s'établissait pas. Il faisait sans cesse des va-et-vient. Voulez-vous encore ça? Nous voulons les apôtres à la Sainte Mode. Les apôtres du Seigneur. Un missionnaire, il ne change pas de résidence. Il continue simplement à aller un missionnaire. Il va, il va et vient. Il va et puis il revient. Avons-nous aimé ça? Cette vérité, avons-nous aimé? Oh Jésus Christ. Dans les sermons, pour accomplir ce prodige. Prêchez le 12 janvier 1958. Je prends ici le paragraphe 4. Pour accomplir ce prodige. Son prénom parle un peu de son voyage en Afrique. Et comment il était déçu d'aller trouver autre chose que la vie des vrais missionnaires selon l'Écriture. Et quand j'étais là, la dernière fois, j'en étais pratiquement découragé. De voir tous ces missionnaires là juste en ville, pas dans les villages, les faubourgs, non, installés dans les villes. juste en ville, vivant dans des beaux hôtels, roulant à bord de belles et grosses automobiles, et aller de temps en temps à la campagne voir les danses des natifs. Voilà. Quel est le problème? Ils ont choisi une ville luxueuse en ville. Habitant les plus bons hôtels de la ville. Vêtus des meilleurs habits. Et puis, ils passent de temps en temps à la campagne pour contempler les danses des indigènes et des autochtones là-bas. Ils distribuent quelques tracts, c'est ça la mission. Voilà. Et le prophète, ils partent pour voir en fait les danses, mais ils font semblant à l'occasion de prendre quelques tracts des écrits de l'évangile là, et donner aux gens. L'hypocrisie des mascarades, des faux apôtres. Vous pouvez les voir en comparant seulement avec Paul. En tout cas, le vrai est là, il est biblique, et les faussaires sont ici. Des colons. Donc vous avez entendu l'histoire dans l'histoire profane là-bas à l'école. David Livingstone. Oui, David. Absolument pas. Nous voulons aller au fin fond. Là où l'adoration païenne subsiste encore. Et il prêchait les richesses insondables de Christ. Paul n'a-t-il pas dit que je me suis fait honneur par l'ancien Christ, là où il n'avait pas été nommé? Nous voulons les missionnaires, les apôtres de ce genre. Pas de ces gens qui se disent qu'ils ont la foi, mais ils ont peur de manger, ils ne se croient pas variés. Parce que ça va donner la diarrhée. Mais ta prière va faire quoi, la chouquangue? S'il n'y a que ça, tiens la messa, bondez-la, lia, et le goût salam abeille. Amen. Attends, c'est bimisi, moi ici, la pembe pembe. Attends, mais le goût salam, je ne vous ai pas été battu fort. La qui sa foi n'a mis au moko. Lia kwanga wane, et bani go pola wana. Amen. Et bien, ça j'ai arrêté ça de l'autre côté. Soyez vos ans ensemble, tous en aïti. Êtes-vous là? Vous allez là. Nous devons souffrir pour le nom de Christ. Et on ne le fait pas pour les tenter. Mais la foi maîtrise tout. Il arrive que dans le champ missionnaire, vous n'avez que l'eau de rivière à boire de manière brute. Vous allez faire quoi? Les bouteilles de panier sont finies. Vous allez dire, oh, n'a pas la bamib. Mais les hommes n'ont pas la bamib. C'est un miracle. Mais la maïwana. Pambela, mela. Amen. Voilà les missionnaires. Pas qu'il y a la ville, où il y a voiture de luxe, il y a un missionnaire qui apporte les moines. C'est ce que l'apôtre là. De luxe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ranam dit, nous voulons aller dans les très forts. Oh, mais je vais entendre la position de l'église. Vous commencez à avoir peur? Dieu possède les vrais apôtres. Ils n'ont pas peur des obstacles de l'hospitalité. S'il faut affronter les sorciers singandais malins, on va les affronter. Mais parce que Mouchar qu'on a ici, on apporte l'apôtre. Quand vous faites dans la vie, pendant qu'on a dit là, parfumé, Mercedes-Benz. C'est ça l'apostolat? Frère Branham, quand il avait des choses comme ça, il était même découragé. Complètement découragé. C'est ce que vous appelez des missionnaires. Et puis il se promène dans des belles voitures, il a des luxes. Et quand il doit aller, quelques tracts là, mais au fait il profite d'aller contempler les danses des indigènes. Et tout ça. Pour se divertir. Voilà le monsieur évangélique. C'est quel évangile qu'on prêche là? Pour le salut de qui? Ils ne sont pas délivrés un homme de loisir. Ils veulent aller contempler les danses des femmes africaines. Mais il faut les titres d'apôtres. Le manque du Saint-Esprit là où ça mène les gens. C'est pour ça que je vous dis, ne laissez personne vous tromper par son audace. C'est pas sérieux ça. Nous devons nous révolter de certaines choses. Le problème dit, mais ce n'est pas normal ça. Mais je vais le visionner. Ça va dire qu'il faut que tout go. Et puis ils sont assis dans des beaux hôtels. Parce que Rango bénédiction ensemble. Ils veulent aller contempler les danses. Des femmes africaines. Des missionnaires patapous. Oh, ils ont fini Toboka. Écoutez, monsieur Moutoukate. Ata ose mu pepe boni, eko tamu se mu tugate, pile to bokata velo afamba, eko tamu lepi. Excusez l'expression, mais il faut se révolter contre certaines choses. Le moussou se pèse à kande, Yo, les gars, on se pèse à l'unéma, n'a pas fait l'ensemble, oui, l'unéma, oui, mais quand il y a l'exagération, nous devons aussi nous révolter. Ce qui est malé, qui s'y mêle, qui se pèse, c'est qu'il y a ton bouga. Ce qui est faux, est faux. Ouais, ma père, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, arrêtez le fanatisme. Mais tu n'as même pas comme un malin. Donc, ce n'est pas là le genre de David Livingston. Le missionnaire, absolument pas. Nous voulons aller au fin fond. Là où l'adoration païenne subsiste encore. Et y prêcher les richesses insondables de Christ. Écoutez, et frère Osborne, donc Tommy Osborne, est l'un de ce genre-là. Voilà au moins. Il va en plein dans le champ missionnaire et prêche Christ à ces gens qui n'ont jamais entendu parler du nom du Seigneur Jésus. Je suis donc heureux que vous ayez eu à voir que vous ayez eu une idée maintenant de ce que représente aller dans les champs missionnaires. Pour le Seigneur Jésus. Pouvons-nous relire ici Romains 15? C'est la vérité. Elle ne changera d'aucune façon. Romains chapitre 15 que nous avons lu ici. Voyez, il dit le verset 20-21, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Amen. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. Amen. Et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Nasakola sang malamu na bisika na ano kombo na kliso eyo kanite ete na tongali kolo ya moboko ya moto mususu te lokola ekomami ete ba oyo ba yebisami mpona yete ba komona ye pe ba oyo ba yoki nano te ba kososola. C'est ça le fil conducteur. Une promesse biblique et Paul était heureux de la voir s'accomplir à travers son service pour Dieu. Et là, ce n'est pas nos fainéants ici qui sont devenus missionnaires par autoproclamation. Dans les sermons, la porte du cœur. Prêché le 16 mars 1958. La porte du cœur. Je prends le paragraphe 28. Eh bien, si telle est la description que Jésus-Christ a donnée de cette église en ces jours-ci, le dernier jour, je ne veux pas dire que c'est juste ce groupe-ci. Je parle en général de l'église universelle. Elle est dans l'une des conditions les plus misérables et elle ne le sait pas. Les gens se disent, nous sommes dans une bonne situation. Nous nous portons bien. Donc cette année, nous avons payé autant pour les missionnaires outre-mer. Membres d'église, hein. Ils sont fiers. Quand pour notre missionnaire, on a payé autant. On a écrit tout consulté. Pour cette année, le bilan, c'est autant. Il dit, mon intention n'est pas d'être frivole. Je suis moi-même missionnaire. Mais ce qui est misérable, c'est quand une vieille maman fait la lessive sur une planche à laver. Pour aider à soutenir un missionnaire dans le champ missionnaire. Et quand vous arrivez là, vous les trouvez roulant à bord d'une Cadillac. Climatisé. Les missionnaires modernes, voilà. Mais une maman peine. Elle fait de la lessive. C'est une domestique quelque part. Les miettes qu'on lui paye, elle l'amène à l'église avec toute sincérité pour soutenir l'œuvre missionnaire. L'argent va chez qui? Chez un individu qui est allé là-bas trouver l'hôtel le plus cher. Et qui voulait rouler à bord d'une voiture climatisée. Ça c'est misérable. Et prêchant sur un terrain. C'est là. Mais il roule à bord d'une Cadillac climatisée. Mais l'église se réunit dans un terrain. Vous voyez les cas? Est-ce que vous comparez les cas? L'église elle-même, elle est organisée où? Dans un terrain. Et tout. Mais l'apôtre, il est dans une Cadillac climatisée, full option. Mais où est-ce qu'on se réunit? À la belle école. Dans un terrain. Je pense que vous lisez entre les lignes. Les colons. L'esprit des colonisateurs. Nous n'acceptons aucune domination de ce genre-là. Je me demande combien de David Livingstone je trouverai. Franchement parlant, j'ai vu un seul que j'ai appelé missionnaire. C'est un jeune homme estropié originaire de la Rhodésie. Il est Rhodésie. Un estropié. Cobranam a pu appeler missionnaire. Ça, un apôtre, voilà. Et pas tous ces gens-là avec les membres en bonne santé. Mais qui ne choisissent que les meilleurs hôtels, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Les voitures à bord des restes déplacés. Cadillac climatisé. Mais le lieu de réunion, c'est dans un terrain. Nous refusons ça. Notre message nous éclaire. Quand il y a des injustices, nous devons dire non. Que la justice de Dieu revienne. Aimez-vous la vérité? Nous l'avons entendu ce soir. Un apôtre du Seigneur n'est pas un colon. Il ne va pas changer de résidence. Il ne va pas pour des missions à durée indéterminée. Oh frère, moi je suis apôtre frère. Oh, ne connais pas les thomas. Azaganaï marié. A-t-il que foyer naïkuna? Non, côté à Yekuna, à qui côté sur le balamasou? Voilà les gens d'apôtre qu'on a aujourd'hui. Ça n'a pas un thomas, tout ça n'a pas un golélo. Moi, c'est à Wasundoli. Pour battre baillé, vite à changer milieu. À qui côté côté, monsieur Afanikuna? Bon, je suis apôtre frère. Nazali Ntoma Deko. Apôtre Yabasi? De quel apôtre vous êtes? Un apôtre du Seigneur n'est pas un colon. Il ne change pas de résidence. Mais il fait des pas et vient. Le missionnaire qui revient. Il a un compte à rendre à l'église. Frère Branham était principalement serviteur de Dieu à Branham Tabernacle à Jeffersonville. Avec le grand ministère que Dieu lui a donné, nous devons réfléchir à ça. Mais vous verrez qu'il y en a qui veulent au fait créer beaucoup de cellules de prière, de groupes, de ressources, de revenus, comme des colons. Ils comptent plus. Ah, milliers, oh, yo, batomo, moussolo, bazate, il faut calculer. Ah, ben, bon, toi, il faut créer aussi l'église ici, pour battre, oh, bakabagamo facilement. Le calcul, ce n'est pas le salut des âmes, mais c'est l'argent. Bazali kobo tisa penza bitonga ya mabondeli. Zoka ndepo na lobiko ya miela te kasi bazali kumwanete awa. Batu bazali mwa mingi wa bakiko banda kukabawa. Nde bakili masambo. Il y a des prédicateurs qui ont quitté des milliers à cause de la pauvreté des gens. Il y a dans les milliers de messages. Je ne parle pas des dénominationnels. Entre nous ici. Bazali kobo mwanete. Et il les apporte des fois, ça fuite. Et okou na bobo la vraiment mwanete. Na kokou sa yi sabanate. Mon salut n'a jamais. Mais c'est presque qui alors? Vous allez côté Rani. Dit riche qu'il était, il s'est rendu pauvre pour enrichir. Yesu Christo wana. Ata oyena bobola modèle nini. A go changer situation. Amen. Amen. Azwaga batuna se wa atombe. Atomboli. L'écriture dit ça. Il faut les vivre, non? Mais il y a un prédicateur au Kiminam. Maintenant, c'est comme ces prédicateurs-là. Les envahisseurs rwandais sont venus. Quand j'étais encore à Gisando, vous voyez que les prédicateurs, Akimi, Akimi Guerre, Ote, je suis encore jeune, je ne sais pas. Assoudou l'église. Je ne sais pas. Mais qui pasteur au monde là Isaiahini. Pasteur à son doigt babrebi, à qui s'est réfugié à 60 km. Afani kunati, ayoka ke makele lo wana abituma wa sa Cécile, nae kozonga. Frère, un mercenaire c'est ça. Oyo, Jésus a parlé clairement dans Jean 10. On n'aime pas ça mais c'est la vérité. Le mercenaire, quand il voit les loups venir, il abandonne les brebis et prend la fuite. C'est le Seigneur lui-même qui a dit ça. Monsieur, tu es un mercenaire. Vos personnes respectent mes sens, vous êtes mercenaire. Vos Bibles, le Bibongo. Amen. Comportement dans le vin, vous êtes mercenaire. C'est quoi, brebis, tu vas dire, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, gardez pas terre d'abino. Colon. Voilà. Les colons, c'est pas bon. Il ne faut pas de colons dans l'église. Des esprits qui viennent pour nous dominer. Nous avons besoin de serviteurs. Que celui qui va être plus grand parmi vous, a dit le Seigneur, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit même votre esclave. Et c'est un colon qui m'ont un serviteur du Seigneur n'est pas un colon. Un apôtre du Seigneur n'est pas un colon. Que Dieu bénisse ceci dans nos cœurs. Maintenant nous devons pour la prière. Prions chacun maintenant. Au Dieu des apôtres. Qui est le même Dieu de miracles. La puissance des miracles et des prodiges. Le signe est encore une réalité dans nos vies. Prions chacun. Dieu de moi, Jésus, fils de Dieu, oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aïe, pitié, aïe, pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, mon amour, aime de mon cœur. Aïe, pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aïe, pitié, aïe, pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, nous te remercions abondamment pour ce privilège que tu nous as donné ce soir de nous rassembler. Amen. De communier, de t'adorer avec cette foi qui vient de ta parole pour croire au Jéhovah des miracles. Croire à ce Dieu immuable même dans les ténèbres profondes, même dans la misère noire, même dans la souffrance complète. Dieu, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ta délivrance surgira de quelque part et la foi aura raison de croire au Dieu vivant, car comme Job, nous savons que notre rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera un jour. Dieu Tout-Puissant, tu avais aidé l'église primitive, celle de paix, à identifier les faux apôtres. Et les avait trouvés menteurs. Aujourd'hui, avec les mêmes écritures, tu nous aides à ne pas suivre n'importe quoi, à ne pas suivre les esprits de domination religieuse qui viennent avec des intentions d'asservir l'église ou de soutirer quelques sous et de nous détourner du but principal de l'évangile qui est le salut. Pour nous embarquer dans la religion d'argent et de prospérité matérielle. Seigneur, laisse que l'évangile soit notre richesse. Amen. Et que le salut de nos âmes soit notre priorité première. Ne laisse aucun de nous se laisser séduire, ni se tromper soi-même au sujet du baptême du Saint-Esprit. Je prie pour chaque âme qui a écouté cet évangile, pour que tu la conduises aux eaux véritables de la vie éternelle, au véritable fleuve d'eau vive qui doit couler de son sang. Sur base de la foi scripturaire, donne à chacun cette vraie foi, une foi inébranlable qui ne recule devant aucun défi, qui affrontera tout pour lui, prêt à souffrir pour le Seigneur. Réponds-nous, Seigneur Dieu, souviens-toi de nos supplications dans la chaîne de prières de ces jours. Et bénis tous ceux qui ont été fidèles à pouvoir tenir ferme encore et prier sans cesse. Aide chacun de nous à prier sans cesse. Au nom de Jésus-Christ, là où le mot de la prédication ne pouvait pas être assez clair, je prie que le Saint-Esprit entre en scène et éclaire l'âme qui a besoin de lumière. Soit la délivrance pour chacun dans les multiples épreuves, les différents combats, et rassure-nous notre couronnement. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu soit loué.